On va directement du côté de Madrid retrouver Skander Benmosfa. Salut Skander. Buenas tardes, Kerim. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Perfectamente. Alors, comment ça se passe du côté de Madrid? Bah écoute, du côté de Madrid, l'année 2006 porte chance. Depuis la nouvelle année, le Real de Madrid ne fait que gagner en Coupe du Roi, c'est-à-dire en Coupe d'Espagne Donc on a bien et en compris, le championnat. Real Madrid n'a pas besoin d'entraîneur, c'est ça, c'est clair Elle a quoi. un très bon entraîneur. Disons qu'elle a trouvé de manière fortuite un très bon entraîneur Ouais, et qui s'appelle? qui s'appelle López Caro et qui était l'entraîneur de la deuxième équipe du Real de Madrid qui évolue en deuxième division. Ouais. Donc depuis son incorporation ensuite à la mise à la porte de Luxembourgo, et cette équipe a complètement changé, a retrouvé un football. Des joueurs qui étaient en manque d'inspiration se sont mis à marquer des buts d'anthologie au Real de Madrid, et je pense particulièrement à Robinho. Donc on a l'impression de voir une autre équipe jouer, on a l'impression de voir une autre mentalité, une autre motivation. Et le Real de Madrid, enfin, commence à ressembler au Real de Madrid qu'on a connu il y a 2 ans, c'est-à-dire une équipe avec beaucoup de talent qui se complète et qui surtout marque des buts et engrange des victoires. Bah, le Real bénéficie aussi surtout hein, du réveil de Zizou. De Zizou, voilà, qui a fait la première page de l'équipe et qui a fait la première page de tous les journaux espagnols il y a 3 semaines quand il a marqué ses 3 buts extraordinaires. C'est la première fois donc qu'il marquait un triplé et de quelle manière. Et encore, il aurait pu en mettre plus durant ce match-là parce qu'il a laissé passer deux occasions magnifiques. On pensait que le ballon était dedans, mais bon, Zizou parfois aussi rate. Donc voilà, en fait, on a retrouvé Zidane, on découvre de nouveau Robinho, Beckham est en grande forme, Roberto Carlos a retrouvé ses jambes, il remarque aussi en coup franc direct. Non mais attends, Donc, qu'est-ce qu'il leur faisait Luxembourgo? Qu'est-ce qu'il leur faisait manger? eh Trop ben écoute, d'entraînement, c'est quoi? je crois que c'est exactement, il s'agit bien de ça. En fait, il a introduit un déjeuner tous les vendredis où toute l'équipe se réunit, où ils mangent ensemble, où ils passent une partie de l'après-midi ensemble. Et apparemment, ça donne des résultats sur leur comportement sur le terrain. Maintenant, on voit les joueurs qui célèbrent les buts tous ensemble, alors que du temps de Luxembourg, les joueurs brésiliens célébraient leurs buts à part. Donc voilà, donc cette équipe commence à aller mieux, mais bon. En face, on a un Barcelone qui a beaucoup, beaucoup de distance, qui s'est vraiment échappé dans ce championnat, qui a 13 points. Et bon, on se souvient que l'année dernière, à la mi-saison, le Barcelone avait la même distance et ils n'ont pas lâché la pression pendant toute la deuxième partie du championnat. 13 points par rapport au Real Madrid et 10 par rapport à Valence, quoi. Et 10 par rapport à Valence. Osasuna qui a perdu beaucoup de terrain alors qu'il y a quelques semaines, elle était à égalité de points avec le Barça. Le Barça a une avance confortable et à mon avis, à part catastrophe, je pense que cette équipe est bien partie pour réserver sa place pour un deuxième titre consécutif. Alors ça laisse rêveur, hein, parce que si le Barcelone gagne aujourd'hui, c'est 14 succès consécutifs, c'est dingue, hein. Ben, ils ont déjà battu leur record il y a 3 semaines. Le record ici en Espagne d'une équipe qui gagne des matchs consécutifs. Si ce soir le Barcelone confirme encore par une victoire, ça fera 3 mois qu'ils n'auront perdu aucun match, toutes compétitions confondues. Mais bon, Eto'o n'est pas là. Jeudi, pardon, le Barça a joué un match de Coupe du Roi contre Saragosse et ils ont perdu 4-2. Donc c'est la première fois qu'ils perdent. Bon, c'est pas en championnat. Donc ici à Madrid, on espère que bon le Barça sans Eto'o va commencer un peu à lâcher son rythme infernal ou à freiner un peu son élan. Mais ce sont que des espoirs, hein. C'est-à-dire que le Barça a son avenir entre les mains. Il y a de très grands footballeurs, ils savent jouer et je pense pas qu'ils laisseront beaucoup de marge pour le Madrid pour revenir. Sinon, il y a une équipe qui s'accroche, c'est Valence, hein. Deuxième position, 39 points, c'est pas mal. Voilà, c'est l'équipe de ce championnat après le Barcelone qui est la plus régulière, une équipe organisée, une équipe concentrée, qui gagne tous ses matchs à domicile, qui parfois lâche quelques points à l'extérieur, contrairement au Barça, mais qui est clairement là en deuxième position et qui est prête à tenir tête au Barça, malgré ces 10 points de différence qui, vu la qualité du football des Catalans, paraît vraiment un fossé infranchissable. Ouais. Sinon quoi? Sinon, il y a l'Athletic Bilbao qui a l'air de se réveiller là. Voilà, depuis l'incorporation du nouvel entraîneur, cette équipe commence à retrouver du jeu. Et bon, c'est pas l'athlétique de Bilbao qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire une équipe très tenace, une équipe imbattable chez elle. On a un athlétique cette année qui a vu partir beaucoup de ses joueurs parce qu'ils sont déjà assez âgés, qui a du mal à recruter. Rappelons que c'est la seule équipe de ce championnat qui n'a aucun étranger dans ses troupes, et ni même aucun espagnol extra basque. Ce sont tous des basques, c'est vraiment un cas très particulier dans le football. Ce sont que des basques qui jouent dans cette équipe et qui ont toujours été là, qui ont un palmarès assez impressionnant. Mais bon, cette année, effectivement, ils sont un peu en crise de nouvelle génération. Ils n'arrivent pas à trouver de bons joueurs. Et surtout, quand on voit comment évolue maintenant le football, par exemple, rien qu'à prendre l'exemple du Barça et du Real, où on a l'impression de voir jouer le Brésil parfois. Hein. Mais bon, c'est la mondialisation et l'athlétique a un peu de mal à faire la compétition avec ces nouvelles règles. L'athlétique, c'est les altermondialistes. Voilà, exactement. Exactement, ouais. Ouais, sinon, l'autre équipe de Barcelone, hein, ça va pas du tout non plus. Non, l'Espagnol, ça va pas non plus, malgré de très beaux buts qu'il marque là dernièrement. Il marque de jolis buts. Dès la peine, il est en baisse de régime, la star de cette équipe qui a fait un beau début de saison. On se rappellera que durant les 4 premières journées, ils étaient en haut du classement. Mais bon, c'est aussi une équipe qui est un peu en crise de transition entre une génération et une autre. Et surtout en crise d'entraîneur, ils ont plus chaque année ils ont un entraîneur différent. Ils sont encore à la recherche d'un projet stable de sportif. Oui. Ouais. Puis tu parlais tout à l'heure de l'Osasuna, une autre équipe qui est rentrée vraiment dans les rangs là, et c'est le cas de le dire, c'est Getafe. Ah, Getafe, bon, malgré tout, Getafe est en 9e position. Ouais. C'est pas un mauvais classement pour une équipe de sa catégorie. Ah, ils étaient deuxième, troisième, il y a 3 mois. Oui, il y a 3 mois. Ouais. Mais bon, c'est un peu normal, hein. Mais moi, je trouve que, et tout le monde est d'accord ici, que c'est une équipe qui continue à faire la surprise, parce qu'ils perdent des matchs, mais ils en gagnent aussi, contre des équipes de calibre bien supérieur. Rappelons que Getafe, c'est une banlieue de Madrid. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite bourgade. Je voudrais pas être désobligeant vis-à-vis des gens de Getafe. Mais bon, c'est pas Madrid, c'est pas Barcelone, c'est pas Valence, c'est pas Séville, c'est pas une ville, hein. Donc c'est un budget qui est bien moindre. Et malgré ça, ils arrivent à offrir du beau football, c'est surtout ce qu'on apprécie ici en Espagne. Tout le monde est content de voir ce Getafe là où il est, et c'est déjà un exploit pour eux de ne pas être retourné en deuxième division l'année dernière. C'était leur première participation en première division, et qui se maintient de manière totalement honorable, très digne, en 9e position avec 28 points, devant le Saragosse, devant l'Athletic de Madrid, devant la Real Sociedad, devant beaucoup d'équipes de renom. Ouais. Sinon, quels sont les autres potins de la semaine? Le mercato, ça marche bien là? Ou apparemment, j'ai l'impression que... On a Cassano, ah. En parlant de mercato. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est tout, quoi. C'est le gros coup et c'est tout, quoi. Voilà, il y a eu Cassano. Bon, il y a eu Cicinho, hein, qui est en train de se révéler. Il a joué, Cassano? Il a joué. Salgado est blessé depuis plusieurs semaines. D'accord. Donc ça a permis d'introduire Cicinho dans l'équipe rapidement. Et Cicinho qui commence vraiment à mettre en danger Salgado sur sa position, parce que Cicinho s'avère être un ailier très actif, très incisif, avec un comportement vraiment très vif en attaque, et en plus créatif dans le jeu. Donc le Real Madrid a trouvé un digne successeur à Salgado. Et c'est bon, ce sont deux incorporations très importantes, mais la plus importante, et qui est arrivée un peu de manière fortuite, comme j'ai dit au départ, c'est cet entraîneur qui est arrivé à maîtriser et à faire de cette collection de stars une équipe qui commence à jouer au football. Ouais. Sinon, le volleyball, ça marche? Le volleyball, ça marche. J'ai joué hier un match et je suis un peu dans les cordes ce soir. Justement, là. Mais tu joues en D2 en plus? Je joue en D2 espagnol, oui. Ah, c'est pas mal. Bah, moi, je jouais à l'Avenir de la Marsa avant. Ouais. J'ai joué pendant plusieurs années à l'ASM. Et ensuite, quand je suis parti faire mes études supérieures en France, j'ai joué pour l'équipe universitaire. Là, ça faisait 7 ans que j'avais pas refait du volleyball. Mais bon, je m'y suis remis cette année et ça va, on maintient la route. Et quoi, à ton âge poussif, tu es passeur, c'est ça? Non, je suis central. Libéraux. Je joue en courte. D'accord. D'accord. Ah ouais, c'est parce que tu peux pas sauter très haut. Au contraire, parce que je saute très haut, mais je ne peux pas courir de très loin. Donc ah, je reste d'accord. près du filet et je concentre mon énergie dans le saut. Très bien, alors fais gaffe aux genoux, hein. Ah ben justement, j'ai pas mal de problèmes avec ça en ce moment. Ouais. Très bien. Bah écoute, tu joues un match dimanche prochain, bah donne-nous ton calendrier, hein, ou alors mets-le sur ton blog. C'est ce que je vais faire. Très bien. 1-0 pour Kalim. Merci beaucoup, Scandal. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Kalim. Salut. Bye. Ciao. Et bonne chance pour notre équipe nationale. Bah oui.